À Solange du Devant, Paris, 14 mai 1841. Maminoune, je n'ai pas pu aller te voir au manège. Tu diras à Madame Bascanse que j'en ai eu bien du regret, puisqu'elle y a été. Je n'y vais pas non plus aujourd'hui. Je travaille dans la matinée et je suis forcée de me priver de plusieurs choses agréables, particulièrement celle de te voir quand tu es sage. Tu m'écris une petite lettre passablement bête. Je ne crois pas à ce grand ennui qui t'accable et dont tu ne penses pas un mot. C'est un genre de pensionnaire que je connais. À mon couvent, on disait de même, et quand je sortais, je m'ennuyais encore plus de ne rien faire. D'ailleurs, comme on peut toujours échapper à l'ennui en travaillant, je te conseille de te désennuyer toi-même. Pour moi, cela ne m'attendrit pas. Et comme les personnes ennuyées sont toujours ennuyeuses, quand tu voudras que j'aille te voir, tu feras bien de ne pas user de ce moyen-là. Tu me demandes des toilettes qui sont parfaitement inutiles à la pension. Tu as 5 robes d'été. C'est assez pour être propre. S'il avait fait bien chaud, je t'aurais envoyé ton écharpe noire. Mais le temps permet bien de supporter ton petit châle de laine. Ton chapeau n'est pas fait puisqu'on ne te l'a pas porté. A-t-on été te l'essayer? La marchande de mode me l'avait promis. Je ne veux pas que tu aies une armoire. Je sais comment tu mènes ton linge quand tu l'as à ta discrétion. Tu mets 2 cols par jour et je ne veux pas te donner un trousseau assez considérable pour satisfaire tes goûts d'élégance. Tu auras la bonté de te contenter de changer comme les autres 2 fois par semaine. Quand tu auras perdu ta coquetterie, je te laisserai faire comme tu voudras. Mais maintenant, tu en abuserais et deviendrais 10 fois plus absurde que tu n'es en fait de toilette. Ce qui ne serait pas peu dire. Là-dessus, j'ai bien l'honneur de te saluer. Si tu ne sors pas dimanche, j'irai te voir. Mais j'espère bien que tu ne te mettras pas dans ce cas-là et que j'aurai le plaisir de t'embrasser à la maison. Bonjour, ma grosse. Tâche de ne pas te casser la mâchoire à force de bâiller, de ne pas perdre l'appétit et le sommeil à force de t'ennuyer. Jusqu'à présent, ta figure ne me donne pas beaucoup d'inquiétude. Ton frère t'embrasse et Pistolet te donne la patte.